Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants! Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Zélie et le manoir hanté, la nouvelle histoire que nous avons écrite ensemble. Et restez bien jusqu'à la fin, car j'aurai une grande question à vous poser. Bonne écoute. Avoir une mamie agent secret, c'est dingue. Mais si en plus, elle vous forme pour prendre sa relève, c'est carrément géant. Aujourd'hui, Zélie va suivre sa première leçon. Elle va enfin en savoir plus sur les tricoteuses. Cette organisation super secrète qui élucide les plus grands mystères du monde à l'aide de gadgets laineux incroyables. Sauf qu'arrivée devant la maison de sa mamie, deux choses clochent. D'abord, les volets. Ils sont fermés alors qu'elle est du genre super lève-tôt. Ensuite, la porte d'entrée. Elle est entrouverte et le couloir plongé dans le noir. Mamie ? Un faisceau de lampes de poche fuse du salon. Zélie se cache derrière le porte-manteau. La lumière disparaît. Quelqu'un fouille bruyamment le salon. Zélie sort son doudou et le serre très fort. Un vase tombe et se brise. L'intrus bougonne. Zélie surgit dans le salon, allume la lumière et tombe des nues. Mamie, oh, oh, tu m'as fait une de ces peurs. Mais qu'est-ce que tu faisais dans le noir? Les plombs ont sauté. Ah bon? Alors pourquoi j'ai pu allumer la lumière? Oh, j'ai dû remettre le courant et oublier. Oh, tu sais, l'âge, ça fait des ravages. Quel bazar, pire que l'atelier de papa. T'as perdu quelque chose? La clé de la cave, pas moyen de mettre la main dessus. Tu perds vraiment la boule. Tu m'as toujours dit qu'elle était condamnée. Ah oui, quelle tête de linotte. C'est quoi cette grosse montre? Un nouveau gadget? C'est ça, oui, un gadget de rien du tout même. Il sert à quoi? Il tire un laser, des fléchettes, un grappin? Je vais te montrer, mais avant, je dois faire un tour aux toilettes. Zélie n'a jamais vu sa mamie dans un tel état et espère qu'un tour au petit coin lui permettra de se sentir mieux. Elle s'assied dans son fauteuil préféré et entend la porte d'entrée claquer. Zélie se précipite dehors. Sa mamie s'enfuit. Mais pourquoi? Elle la prend en chasse. Elle lui hurle de s'arrêter, mais elle accélère. Zélie ne se laisse pas distancer, mais d'un coup, sa mamie disparaît à un coin de rue. Impossible! Un monsieur, en costume chic, sort d'une ruelle et la bouscule. Il ne s'excuse même pas. Outré, Zélie le fixe. Elle remarque qu'il porte la même drôle de montre que sa mamie. Zélie fait comme si de rien n'était, avant de le prendre en filature jusqu'à une camionnette blanche. L'homme regarde sa montre, trifouille l'écran, appuie dessus et le voilà qui se change en livreur de colis. Avant qu'il ne démarre, Zélie se rue derrière la camionnette et murmure. « Tout ouvre tout !» Son doudou se détricote pour prendre la forme d'une clé qui s'insère dans la serrure. Zélie grimpe à l'arrière, direction l'inconnu. Les routes tranquilles de la ville laissent bientôt place à une enfilade de zigzags, puis au chaos d'un chemin de terre accidenté. Et puis tout s'arrête. Le conducteur descend. Zélie retient son souffle. Il s'éloigne. Il ne reste plus que le silence entrecoupé des croissements d'un corbeau. Zélie ouvre discrètement la porte arrière et aperçoit des pierres tombales perdues au milieu de hautes herbes et d'arbres morts. Intriguée, elle sort et découvre avec horreur qu'elle se trouve dans la cour du manoir des ombres. Une maison hantée si effrayante qu'on en sort fou ou les deux pieds devant. Des râles effroyables émergent des pierres tombales. Deux paires de bras sortent de terre. Terrorisée, Zélie fonce se réfugier derrière le manoir. T'as pas entendu du bruit, Michel? Oh bah Louis, c'est pas mon fort, Michel. Mais j'ai vu un truc détaler par là-bas. Allons-y voir. Les zombies s'approchent d'un pas traînant. Zélie est coincée. Se dissue, l'énorme trappe d'accès au sous-sol du manoir, fermée par une serrure rouillée. Doudou, ouvre tout! Une fois de plus, le doudou se détricote pour ouvrir cette vieille serrure toute grippée. Un escalier raide et étroit s'enfonce dans l'obscurité. Zélie descend 3 marches, referme la trappe et se retrouve dans le noir complet. Elle descend en se tenant fermement à la rambarde qui se met à remuer. Y a quelqu'un ? Dehors, les zombies patrouillent. Zélie n'a pas d'autre choix que de descendre en se cramponnant à la rambarde qui gigote de plus belle. L'escalier se transforme en toboggan. La lumière clignote frénétiquement, éclairant un spectacle tout bonnement hallucinant. À chaque clignotement, la disposition de la cave change, comme si des bouts d'autres pièces surgissaient n'importe comment du sol, du plafond, des murs. Quand Zélie glisse sur le sol, les rires s'arrêtent et l'obscurité reprend ses droits. Déboussolée, Zélie tâtonne pour se relever. Il faut que je trouve l'interrupteur. D'un coup, la lumière s'allume, révélant un décor sorti de la tête d'un architecte fou. Oh, quel bazar ! Oh, pardon. J'ai du mal à me contrôler quand je rigole. En un claquement de doigts, la cave redevient normale. Qui êtes-vous ? Le seul, l'unique, manoir. Vous voulez dire que je parle à une maison ? Ah, manoir, voyons. D'ailleurs, je dois te remercier. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu m'as fait rire. Et ça m'a fait un bien fou. Pourquoi ? Vous rigolez plus ? Un démon a fait de moi sa tanière. Et ce démon, il n'aurait pas une camionnette blanche et le pouvoir de changer de forme par hasard ? Mes lèvres sont scellées. Je n'ai pas le droit de parler. Oh, c'est quoi cette blague ? Si je parle, il a juré de me brûler. Mais pour qui il se prend, celui-là ? Je vais lui régler son compte. Tu n'es pas de taille. C'est ce qu'on va voir. Zélie s'arrête devant l'escalier menant au rez-de-chaussée. Essayez de ne pas rigoler cette fois. Je suis chatouilleux des rambardes, désolé. Elle parvient à monter sans les toucher, même si les marches sont raides, de travers et mal taillées. Arrivée en haut, elle ouvre la porte qui lâche un grincement d'enfer. Chut ! Désolé, cette porte grince depuis la nuit des temps. Je ferai plus attention pour la suite, promis. Zélie pénètre dans un très long couloir. Son tapis rouge ressemble à une gigantesque langue poussiéreuse. Les murs sont tapissés de toiles où grouillent des araignées qui se figent dès que Zélie s'approche. Une chose la dérange, les tableaux. Les scènes de pique-nique sont désertes. Les chaises et les trônes sont vides. Les abords des rivières et les sous-bois sans vie. Et puis, il y a cette gigantesque peinture du manoir des ombres. Elle trône au pied de l'escalier principal. Le porche et les fenêtres sont éclairés, mais s'éteignent dès que Zélie s'approche d'un peu trop près. En l'examinant, elle croit voir une ombre filer dans la cour. Y a quelqu'un ? Non, non. Alors pourquoi tu réponds ? Ah, mais quel nul. Ah, t'inquiète, je te veux pas de mal. L'ombre s'approche du bord du tableau, révélant un petit garçon, les yeux cernés et les joues creusées par la faim. Le manoir s'éclaire et des dizaines de têtes curieuses regardent aux fenêtres. Je m'appelle Zélie, et toi ? Jimmy. Vous vous cachez du démon ? Comment tu sais ça ? Je suis une tricoteuse, je résous des mystères et je vais vous aider. Oh, je veux pas te décourager, mais tu n'arriveras à rien seule. Tous ceux qui ont essayé de l'arrêter ont été transformés en araignées. Enfin, ceux-là sont chanceux. Ceux du grenier ont vu leur tableau déchiré. Les pauvres, ils n'ont pas eu le temps de s'échapper. La mort véritable les a cueillis. Mais pourquoi il a fait ça ? Il voulait être sûr de ne pas être dérangé. Et voilà maintenant qu'il s'en prend aux vivants. Hier, il a amené une vieille dame. Mamie ? Où est-elle ? Et dans le grenier, il y a un escalier au dernier étage qui te permet d'y grimper. Zélie se met en route. Subjuguée par son courage, les araignées la suivent, tout comme les fantômes qui glissent de tableau en tableau avant de déguerpir illico lorsqu'elle arrive sur le palier du dernier étage et qu'une ombre surgit. Zélie ! Mamie ! Tu as réussi à t'échapper ? Mieux que ça, j'ai réglé son compte à ce voleur. C'est vrai ? Bien sûr que non, morveuse. Clac ! Des menottes se referment sur ses poignets. Et avant qu'elle ait le temps de dire un mot, Zélie se retrouve bâillonnée. Sans qu'elle ne comprenne rien, sa mamie la traîne jusqu'au grenier où elle découvre sa mamie enchaînée. Regardez-la, tu me fais pitié avec ta tête de gerbille perdue. On ne comprend pas ce qui se passe. Et dire que c'est toi qui as ruiné mes plans. La fausse mamie de Zélie la jette violemment au sol. Avec un sourire victorieux et mauvais, elle appuie sur la montre. D'un coup, Son visage fond. Son corps entier se déforme pour laisser place à un homme rondouillard, affublé d'un épais manteau de fourrure qui lui donne un air de buffle à poils longs. Surprise ! C'est moi, le grand, le magnifique, le scientifique, le plus maléfiquement génial, Cunless. Qu'est-ce que vous me voulez ? Oh, économise ta salive, car bientôt tu n'en auras plus. Pourquoi ? Parce que je vais me venger. Et oui, déjà. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Eh ben moi, je trouve ça idiot. Rien ne vaut un plat chaud. Surtout quand on a ruiné votre plus beau plan pour dominer le monde. Laissez-la partir. Oh, non. Pour l'avoir encore et toujours dans mes potes. Oh, ça, non. Je vais vous transformer toutes les deux en araignées. Et je vous écraserai avant de conquérir le monde. Monstre. Oh, merci. Mais trêve de mondanité, passons à la vengeance. Voyez-vous, cette montre n'est pas seulement capable de me permettre de prendre n'importe quelle apparence. Elle tire également un rayon morpholaser capable de transformer n'importe qui en ce que je veux. Kindless trifouille sa montre. Entravée, la mamie de Zélie ne peut rien faire. Zélie est paniquée. Et tout d'un coup, c'est l'illumination. Elle se jette au sol et y gratouille, chatouille le plancher. Tu as perdu la raison ? Oh, quelle triste fin ! L'horrible scientifique retourne à ses réglages. Zélie chatouille manoir de plus belle. Et alors que Kindless appuie sur sa montre pour tirer son rayon morpho-laser, d'un coup, des morceaux de pièces surgissent dans tous les sens. Le rayon ricoche sur une théière, un plateau en argent, une statuette en cristal, un miroir qui renvoie le rayon droit sur Kindless. Le pauvre se retrouve transformé en une minuscule araignée. Trop énorme pour tenir sur sa patte, la montre s'écrase au sol. Oh, désolé, je n'ai pas pu m'empêcher. Ne le soyez pas, vous nous avez sauvés. Manoir éclate d'un rire joyeux. Après bien des contorsions, Zélie arrive à enlever son baillon et grâce à son incroyable doudou, elle se libère et délivre sa mamie. Un à un, les habitants du manoir retrouvent leur apparence. Plutôt que de garder la montre en lieu sûr, Zélie et sa mamie décident de la réduire en miettes avant de rentrer chez elle, profiter d'un repos bien mérité. Alors, cette nouvelle aventure vous a plu ? Et si on écrivait la suite ensemble ? Rendez-vous sur talming.com/lph talming.com/lph. Vous pourrez choisir les ingrédients de l'histoire. Et n'oubliez pas, si vous aimez les petites histoires, parlez-en autour de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.